Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la Grèce, berceau de l'Olympisme. Την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας και των εορτασμών της 28ης Ολυμπιάδος της σύγχρονης εποχής. Le président grec Konstantinos Stefanopoulos, qui déclare ouvert les Jeux olympiques d'Athènes en 2004, sur le plan symbolique, le retour des Jeux en Grèce en 2004 est un bien juste retour des choses. C'est en effet en Grèce que naissent les Jeux olympiques durant l'Antiquité, et c'est aussi en Grèce que renaîtront les Jeux avec l'organisation des premiers Jeux de l'ère moderne à Athènes en 1896. La première caractéristique essentielle de l'olympisme ancien, aussi bien que de l'olympisme moderne, c'est d'être une religion. En ciselant son corps par l'exercice, comme le fait un sculpteur d'une statue, l'athlète antique honorait les dieux. En faisant de même, l'athlète moderne exalte sa patrie, sa race, son drapeau. Pierre de Coubertin, le père de l'olympisme moderne, qui tente la comparaison entre les Jeux de l'Antiquité et ceux de l'ère moderne dans cet enregistrement qui remonte à 1935. De la même manière, avec l'historien Laurent Turcot, on va tenter aujourd'hui de remonter à l'origine des Jeux, aux Jeux de l'Antiquité, mais d'abord à ceux de l'ère moderne avec les Jeux d'Athènes en 1896. Laurent Turcot, bonjour. Bonjour. Laurent, de Coubertin d'abord, qu'on vient d'entendre, c'est le père de l'olympisme moderne. Parlez-nous de lui. On parlera de la manière dont il en vient à cette idée de ramener les Jeux à l'ère moderne. Mais d'abord, le personnage. Ben oui, le personnage, on l'appelle Pierre Frédy, baron de Coubertin, né en 1863, ça c'est pour la petite histoire. Mais il faut dire surtout ses caractéristiques. Il est riche, il a beaucoup d'argent, c'est un aristocrate, et ça c'est très fondamental pour comprendre l'émergence des Jeux olympiques, mais plus encore la philosophie. C'est un catholique. On a parlé de religion dans l'extrait. Oui. Le parallèle entre la religion catholique et la religion universelle que serait le sport moderne avec cette grande messe que sont les Jeux aux 4 ans et les cardinaux que seraient les membres du CIO. Il y a un parallèle direct encore aujourd'hui. On le sait à quel point des fois l'Église catholique a de la difficulté à se réformer. Peut-être qu'indirectement, Pierre de Coubertin a redonné cette fonction au CIO qui a beaucoup de difficultés à se réformer. Et c'est un monarchiste. C'est-à-dire c'est le partisan d'un régime fort avec une tête dirigeante, un peu comme le CIO, c'est-à-dire le président du CIO, qu'il ne sera pas au début, parce que ça, on se confond souvent, on pense que c'est lui le premier président du CIO. Pas du tout. Ce sera un Grec. C'est un Grec, ouais. Justement. C'est Dimitrios Vikelas, qui avait pour fonction d'organiser les premiers Jeux à Athènes en 1886. Avant de revenir à de Coubertin, oui. Mais les premiers Jeux, effectivement, auront lieu à Athènes en 1896. Est-ce que le choix, tout de suite, s'impose? Absolument pas. Non. Non. Alors, faut dire que Pierre de Coubertin a maturé son idée depuis très, très, très longtemps. Dès l'âge de 20 ans, il part pour l'Angleterre et là, il découvre ce phénomène magnifique en Angleterre qui est celui des public schools. Oui. C'est-à-dire, on forme l'élite de l'Angleterre en les formant dans le sport, que ce soit le rugby, que ce soit la pompe, que ce soit le soccer, le football actuel. Et c'est véritablement le vecteur de ces chrétiens musculeux, pourrait-on dire, de Muscular Christianity, c'est-à-dire cette chrétienté musclée qui incarne véritablement la religion comme on l'a vu préalablement. Et puis ça, c'est important pour lui. La jeunesse, le sport comme nouvelle religion, mais l'État aussi. De la jeunesse, l'expérience britannique qui va le marquer, puis la réalité française qui est la sienne et dont il est très critique. Écoutez là-dessus Jo Malléjac, ancien analyste sportif, qui nous parle justement de cette jeunesse qui sera pour de Coubertin un moteur pour faire quelque chose de cette jeunesse, finalement. Ben, Coubertin, lui, était obnubilé par le fait qu'il fallait rénover ces Jeux. Ouais. Il fallait que la jeunesse mondiale retrouve une motivation. À ce moment-là, il faut bien dire qu'en France, l'approche de l'année 1900, les mentalités avaient pas mal évolué, on tombait dans un certain marasme, faisant pas de dessin. Et Coubertin avait été quand même pas mal sidéré par cette sorte de laisser-aller de la jeunesse contemporaine de l'époque. Et il avait déjà été frappé par ça. Il pensait que l'exercice physique et l'exemple de l'homme par l'homme, parce que pour lui, l'homme en action, c'était quand même le plus beau spectacle pour l'homme. Il pensait que c'était ça la voie. Alors, extrait de Joe Malejacq en 1980, c'est très, très important, ça, cette préoccupation de la jeunesse pour de Coubertin. Oui, tout à fait, mais rappelons aussi, pour des événements qui sont assez factuels, 1870, qu'est-ce que c'est que 1870 en France? C'est la défaite face à la Prusse, l'Allemagne actuelle, la perte de l'Alsace, la perte de la Lorraine, l'armée française en décomposition complète, en décrépitude, et Pierre de Coubertin se dit, mais comment faire pour donner à cette jeunesse l'espèce de ferment qui va lui permettre de se réaliser physiquement, mais pas seulement physiquement, moralement, parce que pour Pierre de Coubertin, le sport, ce n'est pas qu'une pratique physique, c'est une pratique moralisante. Et plus encore, il s'intègre à ce grand courant de pensée qu'on appelle le libéralisme pacifique. C'est-à-dire que pour lui, les nations doivent arrêter de se faire la guerre. Et pour arrêter de se faire la guerre, on peut le faire par le sport. Mmh. Et il va d'ailleurs dire à propos des Jeux olympiques, quelques années plus tard, il dit « Les Jeux, c'est une manière pour les nations de se faire la guerre sans faire de mort. Oui. » Donc, il faut réinstituer cette jeunesse, lui redonner les éléments fondamentaux pour se réaliser par le sport. Et puis l'idée, ben voilà, l'idée de la réalisation, du dépassement, l'idéal, c'est ça, la dimension supérieure. On est encore dans le religieux, finalement. On est dans le religieux, et puis même, je vous dirais, la fameuse devise, on la confond souvent avec l'important, c'est de participer. C'est pas ça, la devise officielle. C'est vrai qu'il a dit, l'important, c'est de participer, mais la vraie devise, c'est Sitius, Altius, Fortius. Plus vite, plus haut, plus fort. Pour Pierre de Coubertin, il faut faire l'émulation, c'est-à-dire prouver qu'on est capable de mieux et se dépasser. Le mot que vous avez utilisé est déterminant, se dépasser soi, mais que les nations tentent de se dépasser l'une entre elles. Est-ce que ce sera facile à organiser? Parce que c'est un peu fou, cette idée-là, la première fois qu'il en parle. Un petit extrait, puis on y revient ensemble tout de suite après, Laurent Turcot. Extrait du petit-neveu de Coubertin, Geoffroy de Navacelle. Il parle de ça en 1975. Quand il a proclamé le rétablissement des Jeux olympiques à la Sorbonne, ça a été un coup de surprise, disons. Les gens, la première fois, n'avaient pas du tout compris quand il en avait parlé l'année précédente. Et puis quand, ensuite, il a réuni tout ce parterre de personnalités importantes et internationales et qu'il a lancé l'idée de rénover les Jeux olympiques, les gens ont dit « oui, oui, très bien ». On a proclamé ça somptueusement, mais au fond, les gens ne savaient pas très bien quelle était l'idée fondamentale qui devait animer l'olympisme. Il les a eus par surprise. Et son optimisme l'a gardé, il l'a gardé jusqu'au bout, contre vents et marées, contre toutes les adversités dont il a été l'objet, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan même des idées. Parce qu'en fin de compte, il n'a pas toujours été suivi, il a été affreusement combattu pendant toute son existence, mais c'était un combatif. Et puis, alors, comment ça s'est passé? Racontez-nous. Ça n'a pas été facile, si absolument on se fie à ce qu'on vient d'entendre. Ah non. Mais il faut dire qu'il n'est pas le premier. Il y a déjà eu des Jeux olympiques avant, dès le 17e siècle, à Cosworth, en Angleterre. On en a même eu à Montréal, au milieu du 19e. En Grèce, il y en a eu des tentatives. Mais jamais de tentatives relevées avec autant un acharnement aussi impressionnant. Alors, votre extrait cite deux dates. Il a raison. La première, 1892. On est à la Sorbonne pour le 5e anniversaire de la création de l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques. Et Pierre de Coubertin, à l'occasion de cette grande réunion avec les sportifs, propose le rétablissement, et c'est le terme qu'il utilise, le rétablissement des Jeux olympiques. Les gens le regardent, restent un peu dubitatifs et on balance de côté cette idée en disant « c'est pas intéressant ». Mais deux ans plus tard, lors du Congrès international du renouveau athlétique, donc un autre congrès qui se tient en juin 1994, toujours à la Sorbonne à Paris, Pierre de Coubertin est là, attablé avec quelques collègues, et la réunion est sur le point de se terminer. Et dans un dernier coup de sein, il se dit « je vais essayer ». Il monte au pupitre et propose en dernière instance, mais vraiment dans les 5 dernières minutes, la proposition pour rétablir les Jeux olympiques. Et c'est accepté. Il devient complètement fou. Et là, il dit « non seulement les gens acceptent, mais ils déterminent que les Jeux vont être organisés 2 ans plus tard à Athènes ». C'est pas du tout ce qu'il avait prévu. Lui, ce qu'il avait prévu, c'est proposer le rétablissement des Jeux olympiques et qu'on le fasse à Paris. en 1900 pour l'exposition universelle. Ouais. Donc, dans 6 ans, ça lui laissait 6 ans pour préparer. Mais les membres du comité disent non, nous, on le fait dans 2 ans à Athènes. Donc là, on me dit, mon Dieu, mais quelle organisation va naître le comité international, qui va prendre plus tard le nom de Comité international olympique, CIO, dont le premier président, on l'a dit tout à l'heure, va être un Grec. Il ne sera président, Pierre de Coubertin, qu'après les Jeux d'Athènes, parce que là, il faut organiser les Jeux d'Athènes très rapidement et on manque d'argent. Il va y avoir des capitaux privés qui vont entrer pour financer la chose. Et ça va se passer comment, ces fameux Jeux d'Athènes en 1896? Ben, ça va remarquablement bien se passer parce qu'on s'entend que ce n'est pas les premières compétitions internationales. Il y avait des compétitions internationales universitaires, mais de ce point de vue-là, c'est complètement nouveau. Premièrement, des chiffres, 12 nations seulement, ben on pourrait dire seulement, mais c'est quand même assez impressionnant, 81 athlètes, tous des hommes de 13 pays qui vont affronter 230 Grecs. Oula. Donc, c'est-à-dire, les Grecs sont majoritairement représentés, 9 sports, 42 épreuves. Et ça va donner, en termes de performance, parce que là, il y a un déséquilibre en partant, mettons, 230 Grecs, 80 athlètes qui viennent d'ailleurs dans le monde. Est-ce qu'il y a des grands gagnants, une nation qui gagne, qui domine? Ben oui, c'est la Grèce. C'est la Grèce. C'est la Grèce de loin. On pourrait même dire que le symbole qui incarne la réalité que Pierre de Coubertin voulait développer dans les Jeux olympiques, c'est un berger grec de 20 ans, du nom de Spyridon Louis, qui est le vainqueur du marathon. Alors, qu'est-ce que c'est que le marathon? C'est une épreuve qui va être imaginée par le philologue français Robert Bréal. On a souvent dit qu'on le faisait dans l'Antiquité. Pas du tout. C'est invention. D'ailleurs, les Jeux olympiques sont une tradition inventée en grande partie. Mais donc, Robert Bréal, qui invente le marathon en commémorant le parcours de Philippides, qui, selon la légende, serait mort d'épuisement après avoir couru de marathon à Athènes pour annoncer la victoire sur les Perses en 490 avant Jésus-Christ. Donc, pour rappeler ce grand moment de l'histoire grecque, on invente une distance de 42 km, mais ce n'est pas la distance exacte, la vraie distance. Ce sera au Jeu de Londres qui va être fixé parce que le roi Édouard VII va vouloir que ses enfants assistent au départ du marathon. Donc, ça va faire 42 points quelque chose kilomètres pour fixer la distance actuelle. Mais ce fameux berger, donc, il va gagner le marathon et déjà... En 1896, on a en tête, par exemple, la reine des Jeux de 76, Nadia Comăneci. Il y a toujours un grand qui ressort. Exactement. Johnny Westmuller, Michael Phelps. Il y en a déjà un en 1896. Oui, tout à fait. Qui est-il, donc un berger? Eh bien, c'est un berger grec de 20 ans. Et comme le voulait Pierre de Coubertin, c'est un athlète qui ne subit pas un entraînement répété. Pour Pierre de Coubertin, le symbole par excellence de l'athlète réalisé, c'est l'athlète amateur, c'est-à-dire qui ne se fait pas payer pour des performances sportives et qui ne s'entraîne pas pour la chose. C'est-à-dire que naturellement, tel qu'il est né, tel qu'il se présente dans son ordinaire de tous les jours, il est le meilleur. Et plusieurs vont considérer que c'est la seule manière de faire du sport. Parce que se faire payer pour faire du sport, ben c'est facile, tout le monde peut le faire, tout le monde peut s'entraîner. Et pour Pierre de Coubertin, seuls les amateurs peuvent le réaliser. Souvenez-vous, en début d'entrevue, je vous ai dit que Pierre de Coubertin était un aristocrate. Oui. Il a du temps pour se réaliser. Et pour lui, comme il a du temps pour se réaliser, comme il a du temps pour faire ce qu'il veut, il n'a pas besoin d'être payé pour la chose. Mais à la fin du 19e, de grandes fédérations sportives, que ce soit le football, le rugby, se développent, et même le hockey ici au Canada. Et la question est-ce qu'on paie les joueurs ou non? Coubertin va être très clair. Si à quelques moments de votre carrière, vous avez été payé pour faire du sport, vous ne pouvez tout simplement pas participer aux Jeux olympiques. C'est aussi clair que ça. Le sport ne doit être qu'amateur. Et ça prendra des décennies. Vous disiez, c'est un mouvement qui a énormément de peine à se réformer. Ça prendra des décennies avant qu'on change cette règle. Aucune athlète femme à ces Jeux de 1896. Je vous propose à nouveau un extrait de Pierre de Coubertin qui remonte également à 1935. Vous allez voir, la place des femmes aux Jeux olympiques pour Pierre de Coubertin, c'est assez clair. Je conçois l'olympisme moderne comme constitué en son centre par une sorte d'altif moral, de bourbe sacrée, où sont réunis pour affronter leurs forces les concurrents des sports virils par excellence. Là aussi, les femmes pourraient participer si on le juge nécessaire. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Alors, c'est clair. Quelle modernité quand même. Hein? Ouais. On oublie souvent que le CIO a en son sein un conservatisme imprégné d'après la philosophie de Pierre de Coubertin. Ce qu'on vient d'entendre, ça date de 1935, oui. Laurent. C'est intéressant de le rappeler parce qu'il n'y a aucune femme athlète en 1896. De Coubertin, en 1935, continue de penser et de dire ce qu'on vient d'entendre, mais on n'attendra pas en 1935 pour qu'il y ait des femmes qui participent aux Jeux. Ben non, on sait très bien que les femmes le font. Et déjà, elles ont toujours été présentes dans le sport. Puis aux Jeux de Paris, déjà. Dès les Jeux de Paris de 1900, la première médaillée, c'est Charlotte Cooper, une Anglaise qui va gagner en tennis. Parce qu'en tennis, le tournoi de Wimbledon, déjà, lui, permettait aux femmes de faire le tennis. Et d'ailleurs, dans les manuels, si vous regardez à la fin du 19e siècle, les manuels de savoir-vivre, on dit aux femmes, un des meilleurs moyens de rencontrer votre mari, faites un double au tennis. Donc, c'est tout à fait normal qu'on arrive aux Jeux olympiques avec des femmes. Peu à peu, d'autres sports vont y entrer, comme le golf, l'autre moyen de rencontrer un mari potentiel, le tir à l'arc, mais peu à peu aussi la natation, comme à Stockholm en 1912, et bientôt l'athlétisme. Mais pour Pierre de Coubertin, la femme est une menace, parce que pour lui, le véritable héros, c'est le héros masculin. La femme, comme on l'a entendu, c'est celle qui devait porter la couronne et couronner le vainqueur. Ouais. Mais il va y avoir des fédérations qui vont se créer. Alice Millat, en 1921, on parlait de français, c'est encore une Française ici, qui va créer la Fédération sportive féminine internationale, qui ce serait comme le pendant du CIO, qui va pousser sans arrêt le CIO dans ses retranchements les plus extrêmes, pour que les femmes soient présentes. On le sait, cette période du début du 20e siècle, on est dans les suffragettes, on est dans le moment où les femmes veulent s'exprimer. On n'a pas attendu la révolution sexuelle des années 1960 pour réclamer un droit. Et le droit au sport, le droit aux Jeux olympiques est déjà impliqué dans les années 1920. Mais il y a des vieux réflexes machistes qui restent bien ancrés au CIO. Je pense aux Jeux de 28, en fait, à Amsterdam, où il y aura un incident, puis racontez-nous-le, mais ça prend pas grand-chose, hein, parce qu'on veut pas vraiment que les femmes soient là. Qu'est-ce qui se passe en 28? Mais ça prend pas grand-chose. Ben, je vous redonne le contexte. Jeux olympiques d'Amsterdam 1928, le 800 mètres. Et là, il y a une polémique monstrueuse. Pourquoi? Le 800 mètres est remporté par l'Allemande Lina Radke. Mais à la fin du 800 mètres, on le sait, c'est presque à la course, le 800 mètres au sprint, les concurrentes qui arrivent derrière Radke tombent en défaillance complète, s'étendent derrière la ligne d'arrivée à bout de souffle. Il y a même un journaliste, John Tunis, qui écrit « Sous nos yeux, sur la piste cendrée, se trouvait 11 autres pauvres femmes, 5 ont abandonné avant la fin de course et 5 se sont effondrées sur la ligne d'arrivée. » Comme si le corps féminin ne pouvait pas supporter la violence physique que ça s'impliquait. Et rebelote. Et le CIO va dire, d'accord, vous avez raison, on annule l'épreuve. Imaginez. On va annuler le 800 mètres et ce n'est pas avant 1960 que cette épreuve va être remise au goût du jour et que les femmes vont pouvoir y participer. Un petit mot sur la relation qui va exister entre les Jeux olympiques et les expositions universelles. Vous parliez de cette idée de Coubertin, que ce soit en 1900 les premiers Jeux pour l'Expo de Paris. C'est la grande époque des expositions universelles à la fin du 19e, début 20e siècle. Comment ça va se passer? Bien, c'est justement l'influence des expositions universelles va être déterminante. C'est que ça, notamment à Londres, dans les années 1850, 1852, la grande exposition de Londres. Ensuite, Paris qui va nous donner la Tour Eiffel. Mais l'exposition de 1900, on la voit venir à l'avance. Et Pierre de Coubertin se dit, je vais jumeler les Jeux olympiques et l'exposition universelle. Ça va être complètement raté. Pourquoi? Parce qu'une exposition universelle, ça dure plusieurs mois. Et les Jeux olympiques, qui étaient prévus pour durer peu de temps, vont durer plusieurs mois à Paris. C'est un échec, mais il y a pire. 4 ans plus tard, on se déplace à Saint-Louis avec l'exposition universelle. Et là, on a parlé tout à l'heure de machisme. Ici, on peut parler de racisme. Pourquoi? Les Américains, en 1904, à Saint-Louis, organisent ce qu'ils appellent les Anthropologie T. C'est-à-dire, on amène des races, je le mets entre guillemets, vous ne me voyez pas à la radio, mais je mets des guillemets, des races inférieures, et on montre au peuple américain, par exemple, des papous qui tirent à l'arc en disant « Regardez comme ils sont inférieurs à nous ». Ce qui fait que quand on a dit que les Jeux olympiques n'ont jamais été politiques et que c'est de depuis tout dernièrement que ça se politise. Je vous assure qu'il l'était dès le début. Et cette période noire de machisme et de fascisme, oui, parce que vous allez en parler dans quelques instants, de fascisme, de racisme, était impliqué dès la fondation des Jeux et s'est représenté à Paris ou à Saint-Louis, à Stockholm et bientôt à Berlin en 1936. Mm-hmm. On ne peut pas terminer cette émission sans ne pas revenir aux sources, à ces premiers Jeux de l'Antiquité. Pour vous mettre en appétit, Laurent Turcot, ce genre de petit extrait dont vous raffolez, écoutez bien ce que va nous raconter Richard Garneau à l'émission L'Aventure en 1992. Il parle de l'un des premiers champions olympiques de l'Antiquité. C'est ainsi que le premier vainqueur olympique connu avait pour nom Koroibos. Et ce précurseur de Jesse Owens et de Carl Lewis, et aussi, on pourrait dire, de Ben Johnson, car il a quand même, avant toutes ces histoires, connu de bons moments, eh bien, ce Koroibos gagna la course de 192 mètres, et ce, en pleine canicule de juillet. L'histoire ne dit pas qui avait gagné la médaille d'argent, mais de sources bien informées, on a raconté que ce brave Koroibos avait couru tout nu, ce qui lui aurait, paraît-il, donné un certain avantage. Ah, je pensais vous faire rire, vous étonner, pas mais non, du tout. C'est tout à fait normal, on courait tout nu, parce que dans les gymnases grecs, on pratiquait la lutte et on faisait du sport tout nu. Ouais. C'est pour ça que ça se représente très mal dans les films actuels. Mais ce dont on parlait, c'est le fameux dromors, la course du stade de 600 pieds, où, mais on aurait pu parler aussi de la course en armure ou de la pire, on ne va pas leur faire le pancras, c'est-à-dire qu'on devait détruire véritablement l'adversaire qui était devant nous. Richard Garneau relevait qu'il n'y avait pas eu de deuxième place, c'est parce que ça n'existait pas, tout simplement. Soit on gagnait, soit on perdait. On a inventé la médaille d'argent et de bronze après. Remarquez, on retient quand même encore aujourd'hui que celui qui est sur la première marche, il reste très peu de temps, mais... L'origine, est-ce qu'on peut dire ça commence, quand ça commence et pourquoi? On commence l'origine quand on a des dates. Et la première date, en fait, c'est avec les sources. On date grossièrement de 776 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire les premiers vainqueurs qui nous sont relevés. Plusieurs théories, certains disent que c'est pour commémorer la victoire de Zeus sur les Titans. Il y a plusieurs versions, mais une des plus connue, c'est celle de Pélops qui aurait demandé la main de la fille Hippomanie, de la fille du roi Omanos. Et le souverain, qui est habitué à ce genre de demande parce que sa fille était magnifique, fait concourir le prétendant dans une course de char. Mais cette fois, la fille aimait le garçon. Donc, elle a saboté le char de son père qui était détruit et qui en est mort. Donc, Pélops, pour expier ce crime, organise des jeux qui sont à la mémoire de Pélops, donc des jeux funéraires. La mort et le sport ont toujours été partie liée dès la fondation de l'Antiquité. Laurent Turcot, historien à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci, Laurent. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.